Alors Mathieu, le groupe Big Junior, déjà qu'est-ce que ça veut dire Big Junior ? Big Junior, c'est pour nous en tout cas, ça veut dire petit mais costaud. C'est-à-dire qu'on vient de Lyon, on connaît personne dans le milieu de la musique, mais on a quand même pris le pari d'un jour en vivre. Alors on a choisi petit mais costaud, on trouvait que ça sonnait bien. Et puis le paradoxe entre Big et Junior qui vont normalement pas ensemble, ça va assez bien avec nos mélanges de styles, tous les styles qu'on mélange pour en faire un propre à nous. Et c'est pourtant des styles qui vont pas forcément aller ensemble naturellement. Quoi. Bah oui, parce qu'en fait, vous faites du hip-hop, du rock, et c'est vraiment énergétique hein, quand on regarde les deux clips en même temps, parce que vous avez des petits clips qui sont sortis sur YouTube, on voit bien l'énergie que vous donnez sur scène. Oui, voilà, oui. Alors, sur scène, c'est vraiment tourné vers une grande messe de la joie et de la bonne humeur, et vraiment pour que tout le monde puisse se retrouver, puisse vraiment vivre un moment au présent. Et un peu oublier les tracas peut-être du quotidien. Donc c'est vraiment ça l'idée de base de ce pourquoi on monte sur scène. C'est parce qu'on s'éclate et parce que c'est ce pourquoi on a envie de faire de la musique, c'est vraiment la scène. Quoi. Junior, c'était Born to Cry sur Radio Arc-en-Ciel. Ils sont avec nous en direct. Nous avons en ligne. Vous démarrez une tournée sur la côte, Cap Breton, La Rochelle, Monaco. Vous allez vous promener tout l'été. Voilà, après, on fait un petit FIMU à Belfort. Oui. On va jouer à Lille. Enfin, on a essayé un peu de ratisser large. Saint-Jean-de-Luz, Niort. On retrouve toutes vos dates sur votre page Facebook, Big Junior. Ouais, voilà, sur Facebook. Et sur votre site internet. Voilà, bigjunior.fr et facebook.com/bigjunior officiel. Se profile-t-il un concert du côté de chez nous, en région centre, par exemple, pour la rentrée? Bah là, on va aujourd'hui même, là, on est en route pour Saint-Sauveur-en-Puisaye. D'accord. C'est à peu près vers chez vous. Oui, ça, vous... c'est dans Lyon. C'est pas dans le Loiret, mais c'est pas loin de chez nous, effectivement. C'est en Bourgogne. D'accord. Ah si, on va jouer à Mâcon aussi. En Bourgogne, toujours. Tant que ça sera pas très loin. Mâcon, ce sera quand? Donnez la date pour que. C'est mi-juin, je crois. Très bien. Des projets pour la suite en termes d'album? Vous avez des choses encore dans les tiroirs? Eh bien, déjà, on va essayer de tourner un maximum avec cette EP parce que c'est le premier qu'on fait dans des conditions professionnelles, on va dire, en studio, ça, parce que le premier SNI qui est parti en février dernier, lui, on avait tout fait dans notre chambre et tout. Du coup, on essaie de gravir les échelons petit à petit. Et vous y parvenez fort bien. Du coup, la suite, ça va être vraiment de tourner et tout ça. Mais oui, effectivement, on est déjà en train de réfléchir à un album et on est déjà en train de composer. On a déjà plusieurs titres, mais on va pas se donner de temps. Pour le moment, on vient de sortir Osiris, donc on est là-dessus. Et on va encore sortir un clip d'ici quelques semaines. Oui. Donc on va essayer de le faire vivre le plus longtemps possible avant de penser vraiment à la suite. Mais ouais. Et si on veut suivre tout ça, suivre vos nouveaux clips qui apparaissent sur internet, etc., on se rend où? Sur le site internet? Sur Facebook, enfin sur tous les réseaux, on est présent partout, Snapchat, Instagram, Twitter. Et c'est sur la chaîne YouTube, mais c'est relayé via tous les réseaux sociaux connus. Et pour Facebook, il suffit d'aller sur Big Junior officiel. C'est exactement cela. On vous remercie d'avoir accepté l'invitation pour parler de votre projet. C'est moi qui vous remercie de s'intéresser à Big Junior. C'est super plaisir. Donc merci beaucoup. Mais on vous souhaite le meilleur pour la suite. On viendra jouer chez vous alors. Bien sûr. On attend ça de pied ferme. En tout cas, on vous souhaite une très très belle tournée cet été. Ça marche. Merci beaucoup. Et puis bonne continuation. Et j'espère à très vite alors. Merci à vous et à très très bientôt. Merci encore Big Junior. Il y a très très bientôt. Et on promotionne donc en ce moment l'EP qui s'appelle Osiris qui est sorti le 7 avril. À bientôt Big Junior. Merci. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Arc-en-Ciel, la radio 100% différente. 100% différente.